contre-courant, mais bon, évidemment, c'était un saumon. Alors il n'y avait pas d'autre façon. Il n'était pas qu'à contre-courant ce saumon, car Salomon nageait vraiment à reculons. Il lui arrivait de faire des accidents. Oh non! Salomon, Salomon, attention! Salomon, Salomon, le saumon à reculons. Attention, attention, il nage à reculons. Salomon, Salomon, le saumon à reculons. Attention, attention, il nage à reculons. Salomon, attention! Le reculant du poisson avait sa raison. Il était atteint de virus d'inversion. Oui, la reculite chronique à glaçon, connu sous le nom du virus à Salomon. Il n'en demeure pas moins que Salomon commençait à avoir mal au reculant, à force de s'accrocher dans les poissons. Salomon, Salomon, attention! Salomon, Salomon, le saumon à reculons. Attention, attention, il nage à reculons. Salomon, Salomon, le saumon à reculons. Attention, attention, il nage à reculons. Attention, attention, il nage à reculons.